Sceptique qui est ma pute, je vais te dire. Touche pas au but tant qu'il y a la merde avec ma bouche tire. Ceux qui sont touchés, voilà ma bite pour eux. Y'a pas de fumée sans feu, qui te respecte, bordel. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à des animeries qui sont mises à la poubelle? On m'a interdit de faire sortir l'album, bordel. Alors, je nique l'instru, mais j'suis pas le seul, je sais. On se fout de notre gueule, mais avec mes putes, moi je te ferme ta gueule. Mon trémi n'est pas un seul la preuve. Pour faire l'album, mais j'bossais dans la merde pendant 4 ans pour hacker le studio, bordel. Peut-être j'ai pas gagné ma vie comme il faut. Peut-être je regarde de très haut, peut-être t'es un idiot. Sceptique, la vie n'est pas un cadeau. J't'emmerde, 7-0. Moi, tout ce que j'ai à dire, j'me perds. J'ai rien à foutre dans ce pays de merde. Voilà le niveau de mon mentalité très bas. Y'a que la bouche qui parle, y'a que la merde. Des tas de gens qui me gonflent. Je ne veux pas vous emmerder plus, c'est ma vie privée. Passe devant mon quartier, essaye de m'attraper. Je regarde, tu sens le shit, l'alcool. Tu vois du sang dans le sol, la merde. L'école est dans notre peau, tu trouves ça drôle. T'inquiète, ce jour viendra, on sera plus de zéro. C'est pas ma putain de faute, je suis juste derrière les barreaux. Sans la merde, je continue à rapper. C'est vrai, il y a des années, j'ai dérapé. Je tombe, mais jamais j'ai craqué. Les gens m'attaquent, je ne sais pas pourquoi, je cherche pas les merdes. C'est les merdes qui me tombent dessus, mon garde ce putain de domaine, tic-tac. Et pas toujours dans le sac. Like your pussy, baby. Chaque jour en groupe trap, fan, porte, s'ouvre et mille se claque. Y'a qui craque dans cet art, y'a qui rack pour être star. Dealer 7-0, y'a que la merde, hein. Avec tout ce qui m'arrive, je garde les pieds sur terre, grâce à Dieu et ma mère. Mais je finirai mauvais gangster à cause du bitch qui m'a toujours été cher. J'suis pas le genre de mec qui se baisse, j'ai dit ça. J'lâcherai pas l'affaire qu'à mon disque. Souvent un noir dans le quartier, il chante, ce il va péter. Cherche pas de gronde dans rap, je faire du rap rien que ça. J'm'en fous si mes lyrics te plaît ou pas. Nique tes blablabla, t'es pas là. Quand j'écrivais mes textos, peut-être ton père te disait fais pas ça. J'regrette que peu de monde soit là pour m'écouter, mais c'est pas grave. C'est ni ta faute ni ma faute qu'ils me comprennent pas, je les respecte pas. Tu vois ce que je dis, j'ai pas besoin de qui que ce soit. Si je rappe, c'est pour moi, le méchant c'est pour toi. Le rap pour moi, c'était pas un rêve pour devenir star. Je faisais pas du commercial comme la plupart. Le rap devient vital comme les pétards qui les préparent. 7-0 chaque jour. Je suis de retour et je respirais fuck. C'est qu'ils disent pas fuck la police. Si tu me dis pourquoi t'as dit ça, je te dis qui est l'ennemi de nos quartiers. Mais je laisse jamais les bras dans ce lice, même si tout le monde se dise sceptique c'est qui. Ma bouche travaille, laisserai une trace de grande taille tant qu'il y a l'effort. Mon rap plus fort, pas chance, tu piges mes lyrics. Je voudrais parler d'autres choses, mais y'a les sex pop qui m'empêchent. Passe devant mon quartier, essaye de m'attraper, je garde sans le shit, l'alcool. Tu vois du sang dans le sol, la mer, les corridors de trop, nous trouvons ça drôle. T'inquiète, le jour viendra, on sera plus du zéro. C'est pas ma putain faute, je suis derrière les barreaux. Passe devant mon quartier, essaye de m'attraper, je garde sans le shit, l'alcool. Tu vois du sang dans le sol, la mer, les corridors de trop, nous trouvons ça drôle. T'inquiète, le jour viendra, on sera plus du zéro. C'est pas ma putain faute, je suis derrière les barreaux. Passe devant mon quartier, essaye de m'attraper, je garde du sang de shit, l'alcool. Tu vois du sang dans le sol, la mer, les corps, les drôle, je trouve ça drôle. T'inquiète, le jour viendra, on sera plus du zéro. C'est pas ma putain de faute, je suis derrière les barreaux. 7-0, 7-0, 2004, premier album.